Corporation. Le site aura pour capacité 46 millions de tonnes de trafic par an. Son coût demeure inconnu. Pour Jean-Jacques Bouillat, ministre des Infrastructures, c'est un axe majeur du plan national de développement lancé en 2012. Ce programme est focalisé sur la modernisation du pays et l'industrialisation du pays. Un nouveau terminal portuaire à Pointe-Noire, dédié à l'activité minière, et un nouveau tracé de chemin de fer sont à l'étude. Une voie ferrée de près de 1500 km pour la distance. D'après l'indice de développement des infrastructures de la Banque africaine de développement, le Congo-Brazzaville est 24e sur 50 pays du continent. Gaëlle Alex-Brazzaville, RFI. Et à Brazzaville, dans quelques secondes, il sera 8h, même heure, ici à Paris. Tout de suite, le journal, je vous laisse en compagnie de Jean-Baptiste Le Tondeur, et je vous retrouve dans 15 minutes. Merci d'être avec nous à l'écoute des RFI. Il est 8h ici à Paris, 11h à Sochi. Jean-Baptiste Le Tondeur. De l'armée rouge dans l'enceinte du grand stade de Sochi. 2h30 de grand spectacle hier soir pour l'ouverture des JO. Cérémonie en présence d'une quarantaine de chefs d'État et de gouvernement sous l'œil visiblement ravi de Vladimir Poutine. On y revient bien évidemment dans cette édition avec notre envoyé spécial à Sochi, Christophe Direbian, également dans le journal des sports avec Hugo Moissonnier, puisqu'on attend aujourd'hui à Sochi les premières médailles olympiques. L'actualité de ce samedi, c'est aussi la Syrie. Et cette première pause humanitaire après 3 ans de guerre, des dizaines de civils ont pu sortir hier de la ville de Homs, l'un des foyers de l'insurrection. Cela faisait plus de 600 jours qu'ils y étaient assiégés. Encore une scène de lynchage hier à Bangui, en Centrafrique. La Cour pénale internationale pourrait lancer une enquête sur les violences de ces derniers mois. Elle va dans un premier temps procéder à un examen préliminaire de la situation. Notre pensée quotidienne enfin pour les otages à travers le monde et en particulier pour les Français retenus au Sahel et en Syrie. Mais d'abord, des bâtiments publics saccagés, d'autres carrément incendiés par une foule en colère. Ça se passe en Bosnie, où la colère ne cesse de monter contre le pouvoir, contre son incapacité surtout à redresser le pays 20 ans après la fin de la guerre. Les manifestations deviennent à présent quotidiennes, elles gagnent en intensité, en violence aussi. Laurent Rouy, vous êtes le correspondant des RFI en Bosnie. Vous vous trouvez à Tuzla, de là où sont parties ces manifestations qui ont dégénéré hier, Laurent. Alors effectivement, donc une journée de dimanche a contenu hier, un grosso attendu rapide, hein, donc des manifestations contre le chômage et contre la pauvreté, hein, des manifestations de chômage qui commencent donc mercredi, qui ont commencé mercredi à Tuzla et qui ont reçu un soutien important, de plus en plus important dans le pays. Dans une vingtaine de villes hier, des manifestations, surtout en fédération croate-bosnien, très très peu en République serbe de Bosnie, et des manifestations qui dégénèrent en violence dans au moins 5 cas, avec donc des émeutiers à Vinica, à Mostar, à Tuzla, à Sarajevo, la capitale, et une police impuissante, plutôt une police qui, dans certains cas, semble dire, laisse faire. Donc alors, à Vinica, à Tuzla, à Mostar, nous avons des étudiants qui ont incendié les parlements régionaux, à savoir un niveau que le Parlement fédéral qui est entendu, et puis également le bâtiment de la présidence, et puis donc les villes qui ont été ravagées par ces citoyens en colère, donc mêlés avec des supporters. Là, par exemple, il y a le commissariat de police qui a été incendié, la mairie qui a été incendiée, les archives en partie incendiées, le bureau du procureur aussi, avec des salariés de l'hôpital de bain. Là, les choses se révèlent vraiment ce matin avec la gueule de bois. Donc, effectivement, il y a une journée de violence un peu incontrôlée, complètement incontrôlée, hier, avait écrit à donc les habitants un appel sur Facebook au nettoyage des citoyens de la ville. Donc à Delta, le gouvernement local a démissionné donc toute autorité en ville, et c'est d'ailleurs l'argument utilisé par les habitants pour attraper les deux concitoyens à nettoyer en disant personne ne le fera si ils ne trouvent pas, il y a des morceaux de verre partout. Alors là-dessus, du moment pour l'instant c'est assez flou, il n'y a que très peu de manifestations qui sont rappelées aujourd'hui. Il y a deux manifestations mineures et soi-disant pacifiques qui vont avoir aujourd'hui, en tout cas rien que l'entendre lui, il y a ça arrivé, mais pas en tout cas. Rapidement, Laurent, peut-on parler d'une révolution, ou comme écrivent certains journaux, d'un printemps bosniaque? J'aurais envie de dire non, mais en tout cas, c'est vraiment beaucoup trop tôt pour le dire. Il faut bien comprendre que le mouvement, c'est un mouvement de ras-le-bol des citoyens. Ce n'est pas un mouvement qui a été préparé, qui est contrôlé par un parti d'opposition, même s'il y a des élections chaque année. C'est simplement une sorte de cri d'alarme des gens qui n'en peuvent plus. Il faut quand même bien se rendre compte qu'il y a plus de 40% de violences officielles, 60% à Kidlar, qui est un petit peu industriel de toutes les parties, que les écoles fonctionnent mal, que les idées politiques dominantes sont des idées nationalistes, qui font que tout est contre-compté, mais c'est quand même pratiquement rien passé en termes de développement depuis la fin de la guerre, et il est très très difficile donc, de vivre en Bosnie avec peu d'argent, avec une administration qui est plutôt un ennemi de citoyens, un contre-chose, la corruption est importante, et donc ça a été finalement la façon de dire stop, il faut changer le système, effectivement, la révolution elle est romantique, mais elle est changée par quoi? Il n'y a personne, il n'y a aucun leader dans le mouvement qui s'est pour l'instant détaché, on ne sait pas quelle va être la suite des événements, il n'y a pas de revendication précise, surtout il n'y a pas de dictature, il y a des élections démocratiques organisées en Bosnie, donc c'est plutôt un mouvement de révolte, on a du mal d'imaginer, en tout cas pour l'instant, un mouvement type des révolutions et des printemps qui ont fleuri un peu partout dans le monde. Merci Laurent. Laurent Rouilly en direct de Tuzla dans le nord de la Bosnie. Autre manifestation ce samedi en Turquie. L'opposition laïque ainsi que les organisations de défense des droits de l'homme appellent à des rassemblements pour dénoncer l'adoption cette semaine d'une loi qui permet au gouvernement de contrôler davantage les sites internet. Ses opposants parlent de censure et de textes liberticides. Cela faisait plus de 600 jours qu'il vivait quasiment coupé du monde, reclus dans une ville transformée en champ de bataille. Les habitants de Homs en Syrie ont enfin pu sortir de chez eux hier à la faveur d'une trêve humanitaire, une première en 3 ans de guerre. Des dizaines de civils parmi les plus vulnérables ont eu la permission de quitter la ville. Beaucoup sont apparus épuisés par des mois de conflit qui les ont privés de soins, de nourriture. Toute la question maintenant est de savoir si cette trêve va pouvoir s'inscrire dans la durée. L'ONU en discute à New York. Karine Lebourg. L'ONU parle d'une percée et d'un pas important. Les 83 personnes évacuées de la vieille ville de Homs sont essentiellement des personnes âgées. Certains étaient sur des civières. Ils étaient pris au piège dans ces quartiers tenus par les rebelles et encerclés par l'armée syrienne depuis 18 mois. Les évacués souffrent visiblement de malnutrition. Ils ont dit s'être nourris d'herbes, de feuilles, d'olives et se sont plaints du froid. La trêve humanitaire doit durer 3 jours. L'ONU assure qu'en dehors de quelques tirs sporadiques, elle a été pour l'instant respectée. L'évacuation doit se poursuivre dans les prochaines 48 heures. Entre 2500 et 3000 personnes sont bloquées dans la vieille ville de Homs. De l'aide humanitaire, nourriture et médicaments doit être également acheminée ce samedi. Une résolution est négociée en ce moment au Conseil de sécurité pour exiger un accès humanitaire plus large en Syrie. L'ambassadeur russe a déjà fait savoir que le texte est inacceptable en l'état. Karim Lebourg, New York RFI. L'aide humanitaire qui sera l'un des principaux enjeux des discussions qui reprendront la semaine prochaine à Genève entre le pouvoir et l'opposition syrienne. Le gouvernement à Damas a confirmé hier sa présence. 7h08 à Bamako, au Mali, beaucoup d'émotions et des réactions d'indignation après les meurtres avant-hier dans le nord du pays d'une trentaine de civils, parmi lesquels des femmes et des enfants. Les victimes, majoritairement Touareg, auraient été tuées par des assaillants Peuls pour la plupart. Le gouvernement malien les accuse d'être affiliés au Moudjahou. Une enquête, mais cette fois internationale, c'est ce qui attend vraisemblablement la Centrafrique. La Cour pénale internationale lance des investigations sur les exactions commises depuis septembre 2012. Elle va dans un premier temps faire un examen préliminaire de la situation qui pourrait ensuite aboutir à l'ouverture officielle d'une enquête. Explication de Pierre Pinto. La Cour pénale internationale a déjà un dossier centrafricain, mais il concerne les crimes commis en 2002 et 2003. Aujourd'hui, le bureau du procureur de la CPI entame donc un examen préliminaire au vu de nombreux rapports sur le pays qui lui parviennent depuis un an et demi. Plusieurs fois, la procureure Fatou Bensouda avait d'ailleurs menacé les auteurs d'exactions de poursuites. Au cours des derniers mois, j'ai mis un certain nombre de déclarations publiques exhortant tous les groupes armés à cesser immédiatement les violences. Que les auteurs présumés de crimes atroces relevant de la compétence de la CPI pourraient être tenus responsables de ces actes à titre individuel. Meurtre, viol, pillage, torture, déplacement forcé, enrôlement d'enfants soldats, le bureau du procureur de la CPI va désormais compiler un maximum d'informations concernant des crimes susceptibles de relever de la compétence de la Cour, et ce depuis septembre 2012, date de l'émergence d'une rébellion qui deviendra par la suite la CEDECA. Un travail qui se fera, assure Fatou Bensouda, en coordination avec l'Union africaine et le gouvernement centrafricain, mais surtout avec l'ONU, qui a créé le mois dernier une commission d'enquête internationale. Dans sa déclaration, en tout cas, Fatou Bensouda ne laisse guère de doute, elle entend bien ouvrir une enquête officielle. Enquête d'autant plus bienvenue que les violences continuent. Hier encore, je vous le disais dans les titres, un homme a été lynché à mort à Bangui. Une image dont la monarchie espagnole se serait sans doute bien passée, la fille cadette du couple royal, l'infante Cristina, devant le tribunal. Elle comparaît aujourd'hui à Palma de Majorque pour corruption, fraude fiscale, blanchiment d'argent. L'infante est accusée d'avoir profité à des fins personnelles de fonds publics qui auraient transité via la fondation de son époux, Iñaki Urdangarin. 6 millions d'euros auraient ainsi été détournés. 2h30 de grands spectacles de son et lumière orchestrés par plus de 3000 artistes venus retracer les grandes heures de l'histoire russe. On nous promettait une cérémonie majestueuse pour l'ouverture hier soir des JO de Sochi. Eh bien, promesse tenue, séance de rattrapage avec notre envoyé spécial à Sochi, Christophe Guérémzian. Sous les yeux de Vladimir Poutine, savourant ce moment de gloire qu'il espérait tant, le pays de Pierre le Grand, des Soviets et de Giuseppe de Tolstoï s'est montré au monde sous son meilleur jour. 3 heures de revue en 13 tableaux des grands moments de l'histoire et de la culture russe, avec comme guide une jeune fille prénommée Amour. Rien de provoquant et loin de l'humour britannique de la cérémonie des Jeux d'été de Londres, mais des innovations tout de même, comme l'entrée des athlètes par le centre de la scène et rapidement invité à la fête avec les 40 000 spectateurs. La féerie passée, la tradition a repris ses droits, portée tour à tour par Maria Sharapova, Elena Isinbayeva, le lutteur Alexandre Karenin et la gymnaste rythmique Alina Kabayeva. La flamme a achevé son périple de 65 000 km entre les mains de deux anciens représentants du sport phare en Russie, la patineuse Irina Rodina. Le hockeyeur Vladislav Tretiak, 6 titres olympiques à E2 dans les années 70 et 80, l'imposante vase au cœur du parc olympique illumine désormais le ciel des jeux les plus chers de l'histoire. Christophe Guérémzian, Sochi, RFI. Et l'on continue à parler des JO avec vous, Hugo Moissonnier, puisqu'après l'impressionnante cérémonie d'ouverture hier soir, eh bien on entre aujourd'hui, Hugo, dans le vif du sujet. Avec déjà une première chance de médaille pour les Français au biathlon. Martin Fourcade entre en piste avec le sprint 10 km, le quintuple champion du monde 2013, vice-champion olympique à Vancouver en 2010 en mass start dès le départ en ligne, va tenter de remporter 6 médailles lors de ces Jeux. C'est un objectif ambitieux, mais qu'il assume au micro de Christophe Hermes. Ça fait 4 ans qu'on en parle et c'est vrai que depuis que la flamme s'est éteinte à Vancouver, moi j'attends qu'une chose, c'est qu'elle s'allume ici à Sochi. Voilà, ces 4 années sont passées vite, mais les derniers jours, ils mettent un peu de temps à passer. Pour l'instant, je le vis plutôt bien, je suis assez détendu, je me fais plaisir. Donc voilà, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'attentes, mais celui qui a les plus grandes attentes, c'est avant tout moi, c'est ce à quoi j'aspire depuis 4 ans. Et voilà, je pense avoir les capacités physiques et mentales pour aller chercher. Forcément, ce serait une petite déception si j'arrivais pas, mais voilà, je connais les règles de mon sport et je sais que finalement rentrer sans médaille pour tout le monde ça paraît impossible, mais pour moi c'est une éventualité qui a autant de chance que l'autre. Alors le début de ce sprint 10 km, c'est à 14h30 cet après-midi, temps universel. La course est à suivre en direct sur RFI. Alors une autre chance de médaille française, Hugo, c'est le ski acrobatique, la finale des Bosses ce soir à 18h. C'est également à suivre sur RFI. La tâche s'annonce difficile pour la jeune, très jeune française même, Perrine Laffont, à 15 ans à peine. La skieuse a déjà frappé un grand coup dans ses Jeux en terminant en 5e jeudi lors des qualifications, un classement synonyme donc de finale pour elle. Mais en face, il y a l'américaine Anna Kearney, championne olympique en titre, ou encore les sœurs québécoises Dufour Lapointe qui partent largement favorites. Alors voilà pour les JO. On passe maintenant, Hugo, au football. La 24e journée de Ligue 1, c'est en France, bien sûr, du changement en haut du classement. Saint-Etienne grimpe sur le podium. Les Verts sont provisoirement en 3e après leur match nul hier à Toulouse, 0-0 en match avancé. Les hommes de Christophe Galtier pourraient rester sur le podium en cas de défaite ce soir de Lille face à Sochaux, c'est peu probable. Ils étaient donc satisfaits, sans surprise hier, au coup de sifflet final, à l'image de leur capitaine, Loïc Pellin. Un match très fermé contre une équipe de Toulouse qui est embêtante à jouer. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas eu beaucoup d'occasions des deux côtés. Ça ne devait pas être très beau pour les spectateurs. Mais bon, nous, l'essentiel, c'est d'avoir pris ce point. Voilà, prendre un point, c'est toujours bien. Donc nous, on va retenir ça. La 24e journée continue aujourd'hui à 16h. Marseille accueille Bastia avec Andrayou, le Ghanéen, est de retour après sa blessure au genou face à l'Égypte en match de barrage de la Coupe du Monde. À 19h, 5 rencontres sont au programme. Ajaccio, Rennes, Guingamp, Bastia, Lille, Sochaux, Montpellier, Évian et Valenciennes. Nice, des matchs à suivre sur l'antenne de RFI, tout comme le choc, bien sûr, entre Monaco et le PSG demain. Et puis j'ajoute en Angleterre une rencontre alléchante aussi, Liverpool, Arsenal. Merci, Hugo Moissonnier, 7h15 en temps universel. C'était le journal de Jean-Baptiste Le Tondeur. Amélie Tullet. Et le CIA Afrique Matin continue avec à suivre des nouvelles d'opportunités. Le rover d'exploration de la planète Mars qui tient bon 10 ans après, alors qu'on ne lui donnait que 3 mois à vivre. Mais d'abord, rencontre avec François Reynard. Cet historien vient de publier L'Orient mystérieux et autres falaises, un clin d'œil aux idées reçues qu'il démonte dans son récit de 2500 ans d'histoire du monde arabo-musulman. François Reynard est avec Abel Jonaïdi. François Reynard, votre livre L'Orient mystérieux et autres fadaises, 2500 ans d'histoire autour de la Méditerranée, est une véritable somme de 400 pages. Il n'en fallait pas moins pour déconstruire les clichés sur ce monde oriental. Tous les Occidentaux ont l'idée que l'Espagne était musulmane, tous les Français sont très intéressés par la guerre d'Algérie, évidemment, mais entre les deux, il y a une espèce de grand flou. Les croisades, ça c'est un fait qui est en général surtraité par l'historiographie occidentale, et la chose qui est intéressante, c'est que du côté oriental, il n'y a rien. Elles ont fort peu intéressé le monde musulman de l'époque, dominé par Bagdad, avec ce qu'on appelle les Abbasides, un grand califat qui régnait à Bagdad depuis le 8e siècle, et la chose qui préoccupait ce califat abbasside, c'est les invasions mongoles. Elles ont détruit Bagdad. Ça, c'est un événement considérable. Eh bien, dans ce livre, j'essaie toujours de renverser le point de vue et de dire on peut raconter l'histoire de l'Orient, l'histoire du monde arabo-musulman, en ayant un point de vue qui n'est pas occidental ou centré. Alors, vous insistez sur les luttes internes à ce vaste monde musulman, avec cette fracture qui est plus que jamais d'actualité entre sunnites et chiites. Le premier germe de cette blessure apparaît le lendemain de la mort du prophète Mahomet, puisque le lendemain de la mort du prophète Mahomet, le clan qui est autour de lui dit mais qu'est-ce qui doit régner après lui? Qu'est-ce qui doit être son successeur, son calife? Eh bien, il y a d'un côté les chiites qui disent la seule vérité c'est la vérité du sang, c'est la vérité de la descendance, et les sunnites qui disent non, la seule vérité c'est la vérité du consensus de la communauté. Et cette fracture-là, donc, elle apparaît dès le lendemain de la mort du prophète et elle dure encore, puisque aujourd'hui en Syrie, l'Iran qui est le grand rival de l'Arabie Saoudite, on est toujours dans cette fracture sunnite-chiite qui date donc de 632. Alors ce monde musulman que vous décrivez, qui s'étend, qui se développe, a su offrir au monde de très nombreuses innovations scientifiques, techniques, technologique, on dit souvent, et aussi la redécouverte des savants grecs. Cette culture grecque, elle est passée dans le monde arabe. Un grand calife de Bagdad s'appelle Al-Mamoun. Al-Mamoun, il a fondé ce qu'on appelle la maison de la sagesse, c'est-à-dire que cet homme-là, il pensait qu'il fallait réunir tous les savoirs du monde. La tradition rapporte qu'il a décidé de faire cette maison de la sagesse parce que Aristote lui était apparu en rêve. Pourquoi ce monde arabe qui est si brillant, à partir du 12e, du 13e siècle, il commence à décliner? On a parlé des invasions mongoles, le fait que les Mongols ont ravagé tout ce qu'on appelle le Moyen-Orient aujourd'hui. C'est une chose, et je pense que surtout il y a quelque chose qui est de l'ordre de la sclérose intellectuelle, parce que la pensée musulmane, qui était une pensée d'ouverture, de recherche, de savoir, etc., est devenue une pensée à ce moment-là, au 13e, 14e siècle, de bigots en quelque sorte, de gens qui disent on est des dominants, on sera toujours des dominants, on a à se préoccuper de rien. On dit que l'électrochoc qui a servi au monde musulman à se réveiller, c'était quand Bonaparte, donc on est bien bien plus tard, hein, à la fin du 18e siècle, fait son expédition d'Égypte. Je pense que c'est une idée importante parce que ça nous menace, nous, occidentaux. On ne doit pas faire la même erreur qu'en fait les Arabes au 13e, 14e siècle. Regardez le monde entier et apprenez qu'il y a eu d'autres grandes civilisations et qu'il faut les connaître. Évidemment, vous terminez votre livre en évoquant ce qu'on a baptisé le printemps arabe, en fait, ce vent de révolte qui a soufflé sur le monde arabo-musulman. Quelle leçon y a-t-il pour l'Occident dans ces événements précisément? Je me réjouis de l'idée de me dire en Tunisie, en Égypte, etc. Il y a des peuples qui se sont levés, il y a des jeunes qui ont dit on a marre de ces dictateurs qui nous écrasent, on a droit aussi à la dignité, etc. J'ai eu une sympathie immédiate pour ça et je continue à croire que cette lutte n'est pas perdue, que cette lutte va continuer. Et l'autre chose, c'est que je pense que l'Occident a fait beaucoup de mal dans l'histoire en colonisant, en dominant le monde, etc. Il faut qu'il se calme avec ça, il faut que l'Occident arrête de croire qu'il a la leçon pour tout le monde et laissons les peuples faire leur histoire comme ils entendent la faire. Alors évidemment, rien n'est jamais noir ou blanc. Au sein même du monde musulman, l'obscurantisme tel qu'il est empêche également les sociétés d'avancer. Vous évoquez dans le livre la naissance du wahhabisme. Alors effectivement, le wahhabisme, c'est donc une petite tendance qui naît au milieu du 18e siècle dans les sables d'Arabie avec un prédicateur, c'est Abdel Wahhab, qui est très rigoriste et qui va réussir à faire alliance avec un chef de tribu qui s'appelle Ibn Saoud. On est au 18e siècle et cette alliance dure toujours parce que l'Arabie Saoudite, c'est toujours un pays qui est appuyé sur l'islam le plus rigoriste. Et dans ce livre, j'essaie de montrer que comme toutes les religions au monde, comme toutes les civilisations au monde, il y a une face noire et une face claire et que l'islam a toujours été en tension entre des gens qui sont du côté de la fermeture, comme à mon avis le sont les wahhabites, et des gens qui sont du côté de l'ouverture, comme il y a plein de musulmans qui le sont. Dans l'islam, il y a la mosquée des Omeyyades de Damas, et puis malheureusement, il y a des islamistes barbus, fermés, etc., qui pensent que la religion doit se prêcher comme Kalachnikov. Merci beaucoup, François Reynard. Merci à vous, Abla Jmadi, et bonne journée. Des nouvelles des étoiles à présent et des nouvelles aussi des appareils qui se baladent dans l'espace. Opportunity vient de fêter son 10e anniversaire alors qu'on ne lui donnait que 3 mois d'espérance de vie. Opportunity, c'est un astromobile, un rover qui explore la planète Mars et qui nous a déjà permis d'en apprendre beaucoup sur la planète rouge, Simon Rosé. Souvenez-vous, le 25 janvier 2004, Opportunity vient de se poser sur Mars et tout le monde attend son signal radio pour savoir si le rover va bien. Il faut dire que la pression est énorme pour la NASA. Quelques semaines auparavant, il y a eu le drame de la navette Columbia. Elle avait explosé à son retour sur Terre avec ses astronautes à bord. Opportunity est donc l'occasion de repartir de l'avant et passer les quelques minutes d'attente à son amarcissage. C'est un succès retentissant. Le rover ne devait fonctionner que 90 jours et il est toujours en train de rouler là-haut. Et surtout, il a répondu à sa mission. Grâce à lui, on sait que Mars a bien eu de l'eau liquide il y a plusieurs milliards d'années, et peut-être même des océans, des fleuves et des rivières. Pour découvrir tout ça, Opportunity a exploré plusieurs cratères sur la planète rouge et parcouru un peu moins de 40 km. Le rover est maintenant sur la crête d'Endeavour, un autre cratère à la recherche de roches argileuses. Une recherche qu'il a interrompue la semaine dernière car il lui est arrivé quelque chose d'assez étrange, quelque chose qui prend la forme d'un caillou. Steve Squires est le chef de la mission. Vous savez, je dis souvent ça, Mars aime bien nous jeter de nouvelles choses. Et voilà, il y a ce caillou. Il est juste apparu, juste ici, alors qu'on n'a jamais roulé à cet endroit. Alors on a deux théories. On l'a peut-être détaché du sol avec une roue du rover, et il aura été éjecté. C'est ce qui est le plus probable. Ou alors, c'est qu'il y a une espèce de geyser un peu plus loin, et il aura été éjecté jusqu'ici. Bref, en ce moment même, on a positionné le rover juste à côté, on prend des photos, et on vient de recevoir les premières données sur sa composition. Et ça ne ressemble à rien de ce qu'on a découvert jusqu'à présent. On est complètement perdu, mais on passe un moment génial. Toute l'équipe est en train de se disputer et d'argumenter. Et c'est ce qui est génial avec cette mission. And that's the beauty of this mission. Et cette mission, elle va se poursuivre jusqu'à ce qu'Opportunity rende l'âme. Pour l'instant, le rover est encore en assez bon état. Il a juste une roue qui ne fonctionne plus et qu'il est obligé de traîner. Mais sinon, le reste est à peu près comme au premier jour. Et c'est tant mieux, car après avoir percé le mystère de ce caillou impromptu, il lui reste tout le cratère Endeavour à explorer. C'était Simon Rosé sur RFI. Rassemblés à partir de ce matin à Paris, des auteurs français, algériens, tunisiens, marocains, mauritaniens ou encore libyens. Ils ont en commun le Maghreb et ce salon du livre est unique en France. Le Maghreb des livres fête cette année ses 20 ans, encore une fois organisé par l'association Coup de Soleil. Catherine Couchon-Poussin. C'est devenu une oasis incontournable dans le monde des lettres en France. Organisé depuis 1994 par l'association Coup de Soleil, le Maghreb des livres est le seul événement où se retrouvent les écrivains qui, des deux rives méditerranéennes, témoignent de l'histoire et de la culture de cette région nord-africaine. Après 20 ans d'existence, ce salon veut aussi, par la littérature, combattre les clichés et faire reculer les extrémismes, comme le rappelle le président de Coup de Soleil, Georges Morin. Pour nous, ce qui est important, c'est de valoriser en France l'image du Maghreb, qui est trop souvent réduite à l'image d'un terroriste en grande Kabylie ou d'un voyou dans une banlieue française. C'est pas ça le Maghreb. C'est ça aussi, bien sûr, on n'est pas dans le monde des bisounours, mais en même temps, il y a tellement de choses positives qui se passent et là-bas et ici, une créativité en matière musicale, littéraire, cinématographique, et puis surtout, quand on voit la société française d'aujourd'hui, ça on ne le dit jamais, mais le nombre incroyable de chirurgiens, d'avocats, de hauts fonctionnaires, de présidents d'universités, le Maghreb fait partie de la France. La France est aussi maghrébine. Voilà, c'est une chose que l'on essaye de mettre en valeur parce qu'il faut que les Français en prennent conscience et qu'ils soient à l'aise avec ça. Ça fait partie de même maintenant. Fort d'un succès de plus de 6000 visiteurs l'an passé, le Maghreb des livres multiplie cette année encore les rencontres, les débats, les signatures avec les 180 auteurs invités, dont Tahar Ben Jelloun, Malek Chebel ou Jean Daniel, pour citer les plus célèbres. Avec, à terme, un vœu pour Georges Morin, transformer la librairie éphémère du salon en un lieu pérenne tout au long de l'année. Pourquoi le Maghreb n'est pas présent en France, le livre Maghreb belge? Quand on cherche des écrivains belges de langue française, on va les Wallonie, Bruxelles à Paris, on les trouve. Quand on cherche des écrivains canadiens de langue française, on va les du Québec à Paris, on trouve les... Donc, moi je rêve, et on essaie d'y travailler, parce qu'à Paris, c'est quand même l'une des capitales du Maghreb, aussi Paris, là où les Maghrébins se rencontrent, plus facilement qu'ailleurs, je rêve qu'il y ait une librairie maghrébine où on trouve tous les livres édités au Maghreb, et où enfin, des représentants des éditeurs maghrébins. Ils ont aussi d'excellents bouquins qu'ils ont publiés en Algérie ou en Tunisie. Il faudrait qu'ils soient davantage visibles en France, par exemple. Voilà. Avec entre autres un hommage à Albert Camus, une table ronde consacrée à la guerre d'Algérie à travers la BD, une rencontre en mémoire de Mohamed Choukri, le Maghreb des livres se tient jusqu'à dimanche soir dans les salons de l'Hôtel de Ville à Paris. C'était Catherine Cruchon-Toussaint sur RFI. Il est 8h25 ici à Paris et c'est l'heure du coup de cœur musical du jour. Et aujourd'hui, on accueille dans ce studio Lisa Chaboussin. Bonjour Lisa. Bonjour Amélie. Alors les auditeurs de RFI, vous connaissent bien, ça fait un petit moment que vous travaillez à RFI. Oui, mais ça fait un petit moment qu'ils ne m'entendent pas. Ça fait un petit moment qu'ils ne vous entendent pas. Qu'est-ce que vous faites à présent? Eh bien, je suis à la rédaction en chef du Petit Matin. Depuis quelques semaines, après avoir fait pas mal de temps toute la journée, aux antennes monde de RFI, les journaux de 6h, de 7h, de 8h, de 9h, de 10h, de 11h. Mais pas seulement de la présentation, je me souviens d'un Tour de France. J'ai fait un Tour de France, ouais. Un seul, c'était en 2011, victoire de Cadet Evans. Merveilleux, j'avais fait la carte postale, des reportages, les à côté du Tour. C'était voilà, chouette. Tous les jours on vous entendait, c'était une super expérience, j'imagine. Ouais, super. On va tant mieux. Et ce matin, qu'est-ce que vous avez choisi de nous faire écouter, Lisa? Alors, c'est mon petit coup de cœur depuis l'automne, la sortie de l'album de Stromae, qui cartonne, on entend beaucoup de singles, et voilà, moi c'est un album que j'écoute en boucle, notamment à cause de mon fils, qui l'aime beaucoup, ça l'amuse beaucoup. Et je vous dis quel titre j'ai choisi. D'abord, quel âge a votre fils? Il a 10 ans. D'accord. Ouais. À 10 ans, on écoute Stromae? Ben, celui-là, oui, en boucle. Et voilà. Qu'est-ce qu'on écoute de Stromae? Tout. On écoute l'album en boucle, il dure 45 minutes, donc voilà, pour peu qu'on parte un petit week-end en Bretagne, on se l'écoute 4-5 fois sur le trajet. Et ce matin, qu'est-ce qu'on choisit? Eh ben, on va écouter Ta Fête. C'est un disque, un titre très festif et qui donne une bonne énergie pour toute la journée. Ta Fête, de Stromae. Toi, tu n'as qu'une seule envie. Tu me fais la paix. de Stromae, c'est le choix de Lisa Chamoussan. Ouais, en réécoutant, je me dis que j'ai peut-être un peu tort de laisser mon fils de 10 ans écouter ce titre. Enfin, c'est une petite explication de sexe. Dans 2 minutes sur RFI, un nouveau journal, toute l'actualité africaine. Les plus grands chefs d'entreprise africains, des banquiers venus du monde entier, des décideurs de premier plan, le Africa CEO Forum, le rendez-vous incontournable des acteurs du business africain. Le Africa CEO Forum, une opportunité unique de mettre en lien les acteurs du système. Le Africa CEO Forum, une opportunité exceptionnelle de développer votre réseau d'affaires. Le Africa CEO Forum vous donne rendez-vous du 17 au 19 mars 2014 à Genève. Avec Move, vous pouvez capter RFI sur votre portable en République centrafricaine. Si vous êtes abonné, appelez le 102 pour 29 francs CFA la minute. Si vous n'êtes pas abonné Move, appelez le 70 07 01 02 au tarif normal. Sur ce kiosque vocal, vous pourrez capter RFI en direct ou écouter les journaux Afrique, les journaux des sports et bien d'autres chroniques dont celle de Maman. N'oubliez pas, appelez le 102 ou le 70 07 01 02. Avec Move et RFI, restez informés où que vous soyez en Centrafrique. Et à Bangui, il est 8h30, même heure ici à Paris, 7h30 à Bamako. Merci d'écouter RFI, le journal, c'est avec Xavier Besson. Bonjour Xavier. Bonjour Amélie, bonjour à tous. Les titres de l'actualité africaine, la condamnation de la force de l'ONU au Mali, l'indignation aussi du gouvernement malien. Jeudi, avant-hier, une trentaine de Touaregs ont été tués par des membres de la communauté Peul. Cela s'est passé dans le nord-est du pays, dans la ville de Tamkoutat, à moins de 150 km de Gao. La Cour pénale internationale va se pencher sur les exactions commises en Centrafrique. La procureure de la CPI annonce l'ouverture d'un examen préliminaire. La Cour se demande si elle est compétente avant possiblement d'ouvrir une enquête. Cela alors que l'exode des musulmans hors du pays se poursuit et que la présidente de transition effectue son premier voyage officiel à l'étranger. Elle se rend au Congo. La Tunisie a fêté hier l'adoption de sa constitution en grande pompe avec de nombreux représentants de pays étrangers. Un texte salué comme une étape majeure, comme un exemple aussi, mais qui ne peut être considéré à lui seul comme une réponse à tous les défis du pays. Également dans ce journal, la Libye. Le chef de la diplomatie française dit non à une nouvelle intervention militaire, cette fois dans le sud libyen, pour contrer les groupes terroristes. Le Burkina Faso, pouvoir et opposition s'apprêtent à reprendre les négociations, notamment autour de modifications de la constitution. Et l'Afrique du Sud sait maintenant qu'elle votera le 7 mai prochain pour les élections législatives. L'ANC, au pouvoir depuis 20 ans, n'est pourtant pas totalement serein. Le gouvernement malien fait part de son indignation après la mort d'une trentaine de personnes, des Touaregs, tués dans le nord du pays. Cela s'est passé jeudi dans la ville de Tamkouta, c'est à 140 km au nord-est de Gao. Une commune donc où il y a eu des affrontements très violents avec des membres de la communauté Peul, soupçonnés d'être à la solde du Moudjao, le groupe djihadiste. Serge Daniel. L'armée malienne et les forces africaines de la MINUSMA se sont rendues sur place et des suspects ont été arrêtés. Toujours visible sur place, selon les témoins, le véhicule a incendié par les assaillants. Dans un communiqué, le gouvernement malien qualifie le massacre d'acte terroriste. De son côté, la mission internationale de soutien au Mali, MINUSMA, confirme qu'il s'agit d'affrontements intercommunautaires. Au total, entre 24 et une trentaine de Touaregs, tous des civils, ont été tués par des membres de la communauté Peul. Il faut dire que les relations entre les membres de ces deux communautés sont tendues depuis quelques temps. Quelques heures après ces événements, en signe de représailles d'ailleurs, d'après nos informations, le groupe de Touareg a mené une expédition punitive contre les Peuls dans le de la frontière nigérienne. Bilan provisoire, 3 morts. Le gouvernement malien appelle au calme. Une délégation officielle conduite par le ministre malien de la Sécurité est arrivée dans la région de Gao. Serge Daniel à Bamako, RFI. Le Mali, et le Premier ministre Oumar Tatamli, lui, s'est dit satisfait des évolutions de la reconstruction. Il était en visite à Paris et il assure qu'il perçoit des signaux encourageants en termes de retour de l'administration et de reprise de l'économie. La Centrafrique, alors que l'exode des populations musulmanes se poursuit, illustration hier à Bangui, un convoi imposant de taxis et de camions a pris la direction du nord du pays sous les huées des habitants. Un des candidats au départ est tombé d'un camion et a été lynché par la foule. Plus globalement, ces deux dernières semaines, le bureau du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies assure qu'au moins 17 000 personnes ont passé la frontière avec le Cameroun et la Cour pénale internationale décide de se saisir de la situation. La procureure de la CPI a annoncé hier l'ouverture d'un examen préliminaire sur les exactions commises dans le pays. Laurent Corot. L'ouverture d'un examen préliminaire est l'une des toutes premières étapes du travail de la CPI. Il ne s'agit pas encore de commencer véritablement l'enquête, mais de voir si la Cour est compétente ou la situation recevable. Par deux fois, Fatou Bensouda mentionne comme point de départ de ses investigations la date de septembre 2012. C'est à cette date que les rebelles centrafricains ont lancé leurs attaques sur Damara et Sibut au sein d'une alliance encore embryonnaire. La déclaration ne cite aucun auteur ou commanditaire potentiel d'exaction. La procureure de la CPI indique simplement avoir pris connaissance de rapports qui décrivent des actes d'une extrême brutalité commis par divers groupes. Des centaines de meurtres, des actes de viol et d'esclavage sexuel, des pillages, des actes de torture, le recrutement d'enfants soldats. Dans de nombreux cas, signale Fatou Bensouda, les victimes semblent avoir été délibérément visées pour des motifs religieux. Le bureau du procureur va maintenant se rapprocher des autorités centrafricaines pour voir ce qui est prévu afin de juger les auteurs d'exactions. Il va également collecter avec l'Union africaine et l'ONU les informations nécessaires pour juger de la compétence de la Cour. Et de son côté, la justice tchadienne fait savoir qu'elle entend poursuivre les mercenaires tchadiens qui ont appartenu à l'ex-rébellion Séléka. Et dans ce contexte, la présidente de transition, Catherine Samba-Panza, est aujourd'hui au Congo pour son premier déplacement à l'étranger. Et avec son homologue Denis Sassou Nguesso, elle parlera notamment de sécurité et de finances. C'est un texte considéré comme majeur et qui pourrait servir d'exemple qui a été célébré hier. La Tunisie qui a fêté à l'Assemblée nationale l'adoption de sa nouvelle constitution en présence de plusieurs chefs d'État, notamment africains, et du président français. Une constitution comme une base de travail pour un pays qui a encore de nombreux défis à relever. Envoyé spécial Marie-Pierre Rolfon. Ils sont tous là, rassemblés au siège de l'Assemblée nationale constituante pour cet instant historique. Moncef Marzouki, le chef de l'État, Moustapha Ben Jaffar, le président de l'ANC, et le Premier ministre Mehdi Joma, qui a dit toute son admiration pour le travail accompli, même s'il reste encore du chemin à parcourir. Mesdames et messieurs, la joie et la fierté que l'on ressent en face à cette réalisation ne doivent pas nous faire oublier l'importance des défis qui nous attendent sur la voie de l'édification de l'État démocratique. Un processus long mais qui est déjà cité en exemple. Le président malien Ibrahim Boubacar Keïta a salué hier le courage des Tunisiens. Vous avez su merveilleusement vous redresser et c'est un devoir naturel que nous venions ici aujourd'hui dire notre appréciation la plus positive de ce que vous avez réussi dans la communion national. Merci à la Tunisie. Bon vin. Au vent de réforme qui soufflera peut-être sur d'autres pays, c'est le souhait exprimé par Idriss Déby Itno, le président tchadien. L'adoption de cette constitution est également une invite aux États de la sous-région qui ont connu une situation similaire à celle de votre pays à suivre ce bel exemple. La Tunisie incarne l'espoir dans le monde arabe et au-delà, a insisté pour sa part François Hollande à la tribune, avant d'ajouter « Vous avez l'obligation de réussir ». Marie-Pierre Olfan, en Libye, la transition vers un pouvoir démocratique connaît aussi des hauts et des bas, parfois des contretemps. Hier, des milliers de personnes ont manifesté contre la décision de l'Assemblée provisoire de prolonger son mandat, marche pacifique notamment dans les villes de Tripoli et de Benghazi. La Libye, où le ministre français des Affaires étrangères assure qu'il n'est pas question d'une nouvelle intervention militaire dans le sud libyen. C'est pourtant l'idée qu'ont avancé le chef d'état-major des armées françaises et le ministre nigérien de l'Intérieur. Le sud libyen, considéré de plus en plus comme un repère pour les organisations terroristes, mais pour Laurent Fabius, la solution à ce problème passe plutôt par un renforcement de l'état libyen. Il n'est pas envisagé une intervention militaire, si c'est à ça que vous faites allusion. Non, la France, son analyse, c'est qu'il faut conforter la stabilisation de la Libye. Il y aura dans quelques jours à Rome une conférence et nous examinerons ce qu'il est possible de faire pour aider nos amis libyens, singulièrement le Premier ministre, M. Zeidan. J'ai d'ailleurs écrit de ma blanche main, pas plus tard que hier, au Premier ministre Zeidan pour lui proposer, dans la perspective de la réunion de Rome, un certain nombre d'initiatives. Les grands pays de la communauté internationale souhaitent qu'il y ait une stabilisation de la Libye. Ce que nous avons connu au Mali, ce que nous connaissons ailleurs, nous montre qu'il ne faut pas laisser s'enquister une situation. Laurent Fabius, le ministre français des Affaires étrangères. De nouvelles négociations doivent commencer dans 2 jours, ce lundi, au Burkina Faso, entre pouvoir et opposition. Pour tenter de sortir de l'impasse à propos des projets de révision de la Constitution, qui permettrait notamment au président Blaise Compaoré de se présenter pour un nouveau mandat en 2015. Une partie de la majorité présidentielle souhaite pour cela modifier l'article 37 de la Constitution, l'article qui limite le nombre de mandats. L'opposition y est défavorable et elle se méfie aussi, l'opposition, de la formation d'un Sénat qui, selon elle, pourrait servir d'instrument pour changer le texte. Cette semaine, le médiateur a recommandé de ne pas toucher à l'article 37, mais il s'est dit favorable à la création d'un Sénat avec une composition concertée avec l'opposition. Réaction du parti présidentiel, celle de son secrétaire à la communication, Achille Tapsoba. Il se dit ouvert au dialogue. Nous sommes toujours disposés à discuter en vue de parvenir à un consensus éventuellement. Les discussions sont claires de part et d'autre et d'aller dans les phases d'un dialogue constructif. Le médiateur dit qu'il ne fallait pas toucher à l'article 37. Comment réagissez-vous? Et nous avons considéré cela comme des propositions des médiateurs et non pas des positions. Et le médiateur a eu une position déjà tracée, il n'y a plus de médiation. Donc nous considérons que ce sont des propositions et qui sont mises donc sur la table de discussion et que nous allons discuter. De la même manière, nous sommes disposés à avoir des discussions sur le Sénat et à tomber d'accord avec l'opposition sur une formule qui arrangeait tout le monde. Et je pense qu'on ne peut pas rentrer en négociation avec des positions non négociables. On doit avoir la plus disposition de pouvoir faire des concessions de part et d'autre. Donc vous seriez prêt à des concessions sur l'article 37? Mais tout comme l'opposition pourrait faire des concessions, nous pouvons faire des concessions. Tout dépend de l'évolution du dialogue et de la discussion. Le secrétaire à la communication du parti présidentiel au Burkina Faso, joint par Sébastien Nemet. Une date en Afrique du Sud pour les prochaines élections législatives. Ce sera le 7 mai prochain, annonce le président sud-africain Jacob Zuma. Zuma qui appelle tous ses concitoyens à s'inscrire sur les listes électorales. Il tente de mobiliser car son parti, l'ANC, et qui est pourtant au pouvoir depuis 20 ans, son parti se présente à ces élections dans une position un peu affaiblie. Alexandra Branjon. Pour la première fois de son histoire, l'ANC va faire face à une sérieuse opposition lors de ses élections. 20 ans après la fin de l'apartheid, la démocratie n'a pas profité à tout le monde. La pauvreté, le chômage, la corruption, des centaines de milliers de Sud-Africains sont frustrés, déçus et prêts à lâcher l'ANC. Et puis il y a le facteur des born free, ceux qui sont nés après l'apartheid et qui vont voter pour la première fois. Contrairement à leurs parents, ils ne se sentent pas redevables envers le parti au pouvoir. L'ANC va donc faire face à une opposition sans précédent. Certes, le parti ne va pas perdre les élections, il est toujours favori, mais il s'agit d'élections législatives, le président étant élu par le Parlement, et selon certains analystes, l'ANC pourrait passer sous les 60%. Cela voudrait dire une opposition plus forte à l'Assemblée. Le principal parti d'opposition, l'Alliance démocratique, qui est devenue beaucoup plus multiraciale, risque de faire le meilleur score de son histoire. Et puis le Parlement pourrait voir arriver sur ses bancs des jeunes très populaires, tels que Julius Malema, ancien président des jeunes de l'ANC, qui a maintenant son propre parti, l'EFF, et qui est l'un des critiques les plus fervents du président Zuma. Alexandra Branjon, Johannesburg, RFI. Enfin, au Soudan du Sud, la mission des Nations Unies a pu patrouiller hier dans les villes de Bor et de Malakal. Et ce qu'elle y a vu, ce sont des pillages de grande ampleur dans de nombreux quartiers de Bor, où elle a tout de même constaté une certaine activité, mais une activité réduite dans le centre-ville. Et à Malakal, à l'inverse, les casques bleus ont trouvé une ville désertée et calme. Et puis à Paris, la première semaine de procès de Pascal Simbikangwa s'est achevée hier à la cour d'assises de Paris. Et on y voit plus clair dans la stratégie adoptée par cet ancien officier rwandais, accusé de complicité, de génocide et de crimes contre l'humanité, de la prudence parfois, mais aussi de la combativité, comme hier par exemple, quand il a reconnu que le génocide des Tutsis était réel et incontestable, tout en s'empressant d'ajouter, ce sont ses mots, et qu'il ne pouvait effacer le génocide des Hutus, beaucoup plus étendu. 8h43 à Paris, Afrique Matin, la suite avec Amélie Tulé. Merci Xavier Besson. À suivre le football et le retour des Coupes d'Afrique de clubs. À suivre également Sayouba Traoré qui va nous reparler d'un tout jeune journal qui met en valeur les villages d'Afrique et d'Haïti. Et tout de suite, le regard de Jean-Baptiste Placard sur l'actualité de la semaine. Il est avec Nicolas Sûr. Bonjour Jean-Baptiste Placard. Bonjour Nicolas Sûr. On commence par le procès depuis le début de cette semaine à Paris de Pascal Sylvi Kangwa, ancien officier rwandais. Il est jugé pour son implication dans les génocides qu'il avait fait en 1994 dans son pays, quelques 800 000 morts. Ce procès est salué partout, y compris à Kigali, où jusque-là, on n'était pas loin de suspecter Paris de complaisance avec les génocidaires présumés. D'ailleurs, certains continuent d'estimer que ce procès vient bien tard. Cet homme est jugé, et l'on peut croire que son procès ne sera pas un simulacre. Que signifie bien tard lorsqu'il est question de juger des crimes imprescriptibles? Même 20 ans après le génocide, on n'est pas encore dans des délais qui puissent justifier certaines conclusions hâtives sur le sérieux ou la crédibilité de la justice française. Les collusions qu'il y a pu y avoir entre tel homme politique français et le régime de Juvenal Habyarimana ne suffisent pas à justifier tout ce que l'on a entendu sur la justice française. Les dossiers prennent naissance, les juges enquêtent avec plus ou moins de facilité en fonction des périodes. Et un jour, ces dossiers sont suffisamment mûrs pour mériter de donner lieu à un procès. Combien d'années a-t-il fallu après la Seconde Guerre mondiale pour que Klaus Barbie soit jugé en France ? 42 ans, et son procès a été une leçon pour l'histoire. Dans ce pays, quelles que soient les pesanteurs, ce qui doit être jugé finit toujours par apparaître devant un tribunal. Les suspicions viennent quand même du fait que ce procès a tardé à venir ou n'est pas venu assez vite au goût de certains. Cela ne suffit pas. Les juges en France sont en général assez courageux et l'on a vu des gens réputés puissants traîner devant les tribunaux et même être condamnés parce que un ou plusieurs juges ont décidé d'exercer leur métier en toute indépendance. Parfois envers et contre ceux qui sont au pouvoir. Charles Pasqua, Roland Dumas, Dominique de Villepin et même Jacques Chirac. Naturellement, il y a partout toujours quelques juges qui sont de connivence avec le pouvoir politique. Mais ces justiciables puissants gagnent du temps, jamais l'impunité à vie. Et ce serait bien s'il en était ainsi dans tous les pays de notre Afrique. Un homme, lui, à qui l'histoire a d'ores et déjà rendu justice, c'est Nelson Mandela. Ses dernières volontés sont désormais connues. Le contenu du testament du grand homme a été dévoilé lundi 3 février à Johannesburg, avec une multitude de petites surprises, des gestes, une générosité qui n'étonne pas de sa part, et par-ci par-là, un clin d'œil qui rappelle le profond humanisme de Madiba. Le contenu de ce testament est en effet l'ultime leçon de Nelson Mandela à son peuple, à l'Afrique. Il faut d'abord souligner qu'il n'y a dans la divulgation de ces éléments aucun penchant exhibitionniste. Il s'agit de transparence. En premier lieu, sur le montant de ce qu'il considérait comme sa fortune, 4,1 millions de dollars. C'est beaucoup par rapport à la moyenne des Sud-Africains et peu quand on rapporte cette fortune à la dimension du personnage. Il aurait pu avoir amassé 100 fois plus sans que cela surprenne eu égard à sa notoriété. Mais il n'avait que 4 100 000 dollars et n'en avait manifestement pas honte. Répartir ce montant entre autant de personnes et d'institutions revenait à prendre le risque de donner peu, et de cela non plus Mandela n'avait honte. Pour maudit qu'il soit, le don n'en a pas moins de valeur, et Mandela prend soin de dire aux bénéficiaires d'en faire un usage judicieux. Sur un continent où les milieux politiques ont pour habitude de faire circuler par milliards les billets de banque, la répartition que fait le grand homme peut donner une impression d'indigence, mais il ne donne pas ce qu'il n'a pas et il ne donne pas ce qui ne lui appartient pas. Et il n'oublie personne, jusqu'à son ancienne secrétaire particulière qui a tout petit pactole. Cela fait partie de la leçon de vie que nous donne l'ancien président sud-africain, le souci des autres, des plus humbles. Elle n'aurait sans doute pas imaginé que son ancien patron pense à la coucher sur son testament. Ici aussi, l'honneur d'être sur la liste a bien plus de valeur que le montant en jeu. À ça s'ajoutent toutes les écoles et universités où il a étudié. Il n'en a pas oublié une seule et il précise l'usage qui doit être fait de ces fonds afin que ceux qui passeront dans ces établissements aient toutes leurs chances, surtout quand ils sont issus des couches les plus modestes. C'est sa façon, tout en subtilité, de dire que l'avenir de ce continent dépend pour beaucoup de l'importance que les responsables de chaque pays accordent à l'éducation. Et il y a de fortes chances pour que les pays où l'on prend soin des jeunes qui étudient soient ceux qui, demain, gouverneront le continent tout entier. Merci Jean-Baptiste Placard. Et merci à vous, Nicolas Sueur. Bonne journée. Afrique Sport avec Hugo Moissonnier sur RFI. Du football à la une avec un week-end marqué par le retour des Coupes d'Afrique de club. Le retour en effet de la Ligue des Champions et de la Coupe de la Confédération. En tout, plus d'une quarantaine de rencontres sont au programme. Certaines équipes vont faire leur grand début dans ces compétitions. C'est le cas notamment des Sénégalais de Diambar. Le club de Sali Portugal, une station balnéaire située au sud de Dakar, a été fondé il y a à peine 10 ans. Il n'a jamais disputé de Coupe d'Afrique. Et aujourd'hui, il affronte les Burkinabés de la SFA Yenega, beaucoup plus expérimenté à ce niveau. Babacar Sall. Une jeune équipe de Diambar qui découvre la plus grande compétition de clubs en Afrique, mais le champion en titre de la Ligue 1 sénégalaise peut compter sur l'expérience de ses internationaux, le capitaine Emmanuel Gomis ou encore le gardien de but Ousmane Mané, plusieurs fois titulaire en équipe A du Sénégal. Seulement cette saison, Diambar n'est que quatrième après 8 matchs de championnat. Mais son adversaire du jour ne se porte pas mieux. La SFA Yenega occupe en ce moment l'avant-dernière place de la première division burkinabé. Le club de Ouagadougou est arrivé au Sénégal diminué. Son entraîneur, le Malien Cheikh Oumar Koné, est rentré à Bamako pour être l'adjoint d'Henri Casperzac à la tête des Aigles. La posture actuelle de la SFA Yenega, très loin de ses 13 titres de champion du Burkina Faso. Entre Diambar et la SFA Yenega, qui a le plus de chances de remporter ce match aller du tour préliminaire de la Ligue des Champions, c'est du 50-50 selon plusieurs commentaires. Babacar Sall, Dakar, RFI. Diambar, Asfa, Yenega, le coup d'envoi est prévu à 15h, temps universel. Le match aura lieu à Bourg, à environ 80 km de Dakar. Et quelques rencontres ont déjà eu lieu hier, Go, et en Ligue des Champions, le Raja Casablanca a brillé. Oui, avec une victoire 6-0 des Marocains face aux Diamond Stars, un club Sierra Leone. Large succès également des Libyens du Al Ahly Benghazi, 4-0 face aux Tchadiens du Foula FC. En Coupe de la Confédération, ce sont les clubs congolais qui peuvent avoir le sourire. Victoire à l'extérieur du Sahara de Brazzaville au Sud-Soudan face à Malakia, 1-0. Succès également, mais à domicile, cette fois du FC Konzo, club du Congo-Brazzaville également, 2-0. C'est face au Camerounais de Coton Sport. Les matchs retournés face au Camerounais de Young Sport. Et les matchs retour de ce tour préliminaire des Coupes d'Afrique auront lieu le week-end prochain. Sachez qu'en Ligue des Champions, l'Entente de Sétif et les Ivoiriens du COE San Pedro sont d'ores et déjà qualifiés pour les 16e de finale en raison du forfait de leurs adversaires. Sachez également que 6 clubs sont également qualifiés d'office pour ces 16e, 6 clubs dont le National du Caire, tenant du titre. En France, Saint-Étienne et Toulouse se neutralisent en ouverture de la 24e journée. Les deux équipes se sont séparées sur un score nul et vierge, 0-0, suffisant pour permettre Robert de grimper provisoirement sur le podium à la 3e place. Un podium que convoite également Marseille qui reçoit Bastia à 16h, temps universel, seulement 5e au classement. Les Phocéens doivent gagner pour rester dans la course à la Ligue des Champions. Les Phocéens qui peuvent de nouveau compter sur André Ayou, le Ghanéen est de retour après sa blessure. C'était en barrage du Mondial face à l'Égypte au mois de novembre. À suivre également ce soir à 19h, Ajaccio-Rennes, Guingamp-Bastia, Lille-Sochaux, Montpellier et Vian et Valenciennes-Nice, des rencontres à suivre sous l'antenne de RFI, tout comme le choc entre Monaco et le Paris Saint-Germain demain. Enfin, en Italie, Hugo, le Marocain Adel Tarabt pourrait faire ses grands débuts sous le maillot du Milan AC. Le meneur de jeu prêté par le club anglais de QPR a été convoqué par son entraîneur Karen Seedorf pour le choc de la 23e journée de Serie A face à Naples. A noter que les Ghanéens Essien Emountari ainsi que le Guinéen Kevin Constant font également partie du groupe Milan. C'était les sports avec Hugo Moissonnier sur RFI. Et puis à noter, ouverture officielle hier des Jeux Olympiques d'hiver à Sochi en Russie. Aujourd'hui, première chance de médaille française, le biathlon. Le biathlon a séduit ski de fond et de tir à la carabine. un magazine intitulé tout simplement Village d'Afrique. Ses promoteurs disent que c'est le premier magazine entièrement consacré aux villages africains et aux villages d'Haïti. La publication a été lancée par l'ONG Valeurs d'Afrique, basée en banlieue parisienne. Sayuba Traoré nous en avait déjà parlé en septembre dernier. On en reparle ce matin alors que le numéro 3 va bientôt sortir. Pour mieux nous parler de cette publication, Alain Kienfak, président de l'association Valeurs d'Afrique, et à ce titre, directeur de publication du journal Village d'Afrique. Alors, il est né d'un constat. Tout le monde pensait que pour aider un village africain, il fallait soit creuser un puits, soit construire une école, soit un centre de santé. Or, un des fléaux qui était réel, c'était l'exode rural. Et que les puits, les écoles et les centres de santé ne fixaient pas les populations. Il faut pouvoir impulser l'économie. Impulser l'économie, disons que tout est parti du tourisme solidaire, qui est le premier créneau de cette association Valeurs d'Afrique. Ensuite, en marchant, il y a eu d'autres choses. L'agriculture n'étant pas très séduisante pour les jeunes, nous nous sommes intéressés au tourisme solidaire. Et c'est comme ça que nous avons commencé à nous dire qu'il est possible peut-être d'amener des populations qui s'intéressent à la découverte, et ces populations qui vont arriver, qui ont un pouvoir d'achat, pourraient donc permettre de relancer l'économie villageoise qui soit porteuse de services. Le tourisme, cela veut dire développement des services et développement de l'artisanat. Et le tourisme solidaire, ça veut dire des rencontres et développement des partenariats. Ça veut dire transmission de savoir. Et nous nous sommes rendus compte que tout cela existait, mais était en train de partir. Vous savez, la fameuse formule « un vieillard en Afrique qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle ». On a dit ça, mais est-ce qu'il y a eu suffisamment de moyens pour préserver nos bibliothèques? Souvent dans les villages, quand on pose des questions, on vous répond que celui qui pouvait expliquer ce genre de choses est décédé l'année dernière. Il y a cette réalité, mais il faut aussi ajouter un certain désintérêt des citadins africains pour la vie dans leur village. Il faut l'avouer, pour l'instant, notre électorat n'est pas africain. Donc notre électorat est d'abord urbain et beaucoup occidental, parce que malheureusement, les urbains africains n'ont pas une idée très noble de leur village. Mais depuis quelque temps, nous commençons à montrer qu'on peut aller au village pour le plaisir. Les gens trouvent maintenant le plaisir à nous envoyer des images de leur village et à se revendiquer d'avoir un village, et ce qui est déjà un grand pas. Pour faire tourner un journal, il faut des moyens. Et l'argent, c'est le grand défi pour tous ceux qui se lancent dans ce genre d'aventure. Pour le moment, c'est l'association Valeurs d'Afrique qui porte le journal, mais il est évident que cette organisation ne pourra pas continuer à le faire toute seule. C'était Sayuba Traoré sur RFI. On fait une petite pause, une minute, on se retrouve juste après, à tout de suite. RFI présente Zao et Kerry James en concert. Retrouvez pour la première fois en Afrique, au Cameroun, le rappeur Kerry James. Le 8 février au Palais des Sports de Yaoundé et le 10 à la Maison des Parties à Douala. Zao, la nouvelle diva du R&B francophone, où sera elle le 15 février au Palais des Sports de Yaoundé et le 16 au Parcours Vita à Douala. Kerry James et Zao, des spectacles en partenariat avec RFI. Plus d'infos sur RFI.fr. Vous pouvez écouter ou réécouter RFI par téléphone au Sénégal. Si vous êtes client Orange, appelez le 20 12 12 et laissez-vous guider sur notre kiosque local. Vous y trouverez le dernier journal Afrique, les journaux des sports et bien d'autres chroniques. Au Sénégal, avec Orange et RFI, suivez l'actualité où que vous soyez sur le 20 12 12. Justement, musique avant un prochain journal sur RFI. Les grandes voix de la musique traditionnelle sénégalaise se retrouvent sur un même album, le premier de l'ensemble lyrique du théâtre Daniel Sorano, créé il y a 50 ans. Sa mission, préserver et partager les cultures musicales du Sénégal. Binta Diagne. Sur la grande scène du théâtre Daniel Sorano, les artistes de l'ensemble lyrique traditionnel répètent en chœur plusieurs morceaux pour une fête de gala. Au micro, Marine Gunningen, une chanteuse Serrer, originaire de Thiès, parle de problèmes de santé. Je parlais de sida. Comme des fois, je parle des difficultés des femmes rurales ou bien des difficultés des femmes généralement dans les foyers. Pour ces 23 artistes, le théâtre Daniel Sorano est une école. Ici, on apprend en permanence sur la culture de chaque ethnie du pays. Chaque artiste est en mesure de chanter sans accent, en duo Viola, en Serer ou encore en Bambara, comme l'explique Willy, la doyenne du groupe d'origine tout couleur. Quand un artiste chante en Bambara, je dois également chanter en Bambara. De même, lorsqu'un artiste du groupe chante en Serer, nous devons impérativement chanter en Serer. Tous les jours, nous répétons et apprenons les langues des autres ethnies, mot par mot, afin de connaître le sens de chaque parole. Et c'est un exercice difficile. Je dois beaucoup apprendre afin de faire les chœurs correctement. Autre particularité de l'ensemble lyrique, ce groupe fait intervenir tous les instruments traditionnels du Sénégal. Outre les balafons et les koras, figurent notamment le khalam, une petite guitare que Boy de Diagne fabrique lui-même avec des peaux de vache et du bois. D'après ce que j'ai appris, le khalam, ça vient du Mali. On le jouait uniquement pour les rois, les cérémonies. Ça disparaît parce que c'est pas un instrument facile à jouer. L'ensemble lyrique traditionnel a été créé en 1965 par Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal indépendant. A l'origine, ce groupe a été conçu pour représenter le Sénégal lors des déplacements du président. Cet ensemble s'est produit pour la première fois lors du premier festival.